fait l'ami sur Facebook, on admire son look, on s'en remet à sa logique, on note sa pensée de geek. On s'en remet à sa folie, il fait le beau temps et la pluie, on dirait qu'on n'a plus que lui comme espoir pour changer la vie. Le gladiateur pour des radiateurs, le Spartacus à côté du Crocus. On l'aime pour ses coups de trick, au visigo-zygomatique. On l'aime parce qu'il est sadique, on aime sa pensée ludique. Il se fout des camps, des clans, des clubs, il passe trop de temps au pub. Mais on l'admire pour ses coups de gueule, bien sûr faut pas être bigueule. Le gladiateur pour des radiateurs, le Spartacus à côté du Crocus. C'est le nouveau Nostradamus, le chef élu, le Maximus. Ce n'est qu'un Ben Hur de kermesse, mais on croit toujours à sa messe. Ses adversaires, il les tacle, ce vaurien, la cour des miracles. Ses points de vue sont incontournables, parce qu'il a la beauté du diable. Le gladiateur, pour dire radiateur, le Spartacus à côté du Crocus. C'est un gueux, un chien, un bâtard, sa robe de bure est l'avatar. Pourtant on le lit sans retard, c'est pour son blog qu'on se couche tard. On ne voit plus que lui sur la toile, on ne croit plus qu'on son étoile. Quand on a plus foi dans la banque, on s'en remet au saltabanque. Le gladiateur, pas du radiateur, le Spartacus à côté du Crocus.